Bon, on essaye de lancer le grand moteur. Ok. He's gonna turn on the big one. Oh, ok. Ok. C'est bon? Et je laisse qu'aux 30 secondes maintenant. Oh, oui, c'est bon, bien sûr.